Pour une fois, je vais m'appliquer le proverbe « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Le 27 avril dernier, j'étais président du jury de la critique au Festival international du film policier de Liège. Avec mes partenaires jurés Adrien Corbel et Julien Paulet, nous avons récompensé le court-métrage belge « Les corps purs » de Bérangère Macnies et Guillaume de Ginestel. L'histoire, c'est celle de Axel, escort girl à Bruxelles, qui s'assure les services d'un chauffeur mutique et simple d'esprit pour l'accompagner d'un hôtel à l'autre. Au fil des nuits, ces deux êtres esselés et retranchés dans leurs armures respectives vont se rapprocher. Après deux prix au FIF à Namur, le duo Bérangère-Macnies-Guillaume de Ginestel est à nouveau primé et foi de président. C'est mérité. Le bilan 2017 du VAF, alias Fonds Audiovisuel de Flandre, a été rendu public. 29 films sont sortis dans les salles belges en 2017. Les films belges flamands ont attiré un total de 1 693 498 spectateurs. La fréquentation du cinéma flamand a chuté de 11% par rapport à 2016. Cependant, en comparaison avec les 10 dernières années, ces chiffres restent relativement stables. Sur le podium 2017, il y a FC de Kampioenen Drie, Kampioenen Forever, avec 309 692 spectateurs, Etoué de Gelaat avec 214 048 spectateurs et Le Fidèle avec 135 546 spectateurs. Les deux derniers films, je vous en avais parlé dans le premier « Ça est du Belge ». Sur la scène internationale, les créations audiovisuelles belges-flamandes se sont à nouveau distinguées, avec 236 prix et un très grand nombre de sélections en festival. Le court-métrage d'animation Catherine a remporté à lui seul 27 prix, le long-métrage King of the Belgians 9 et le court-métrage documentaire The Jungle Know You Better Than You Do 3. Enfin, Sori Vor Alles a remporté un International Emmy Awards et trois films ont été nommés aux European Film Awards. Le 21e Brussels Short Film Festival a attiré 25 000 spectateurs en 12 jours de projection. Le palmarès de la compétition nationale a consacré comme grand prix du jury Icar de Nicolas Boucart, comme prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles Make Alliance Dance de Sébastien Petetti, comme prix du public Vita de François Bieri. Le reste du palmarès est à découvrir sur www.bssf.be. À la prochaine.